Ce matin, vous avez fait une petite toilette. Bah oui, vous avez pris une douche hier soir. Vous avez mis une chemise trouvée en friperie et fabriquée en France. Et pour aller au travail, vous n'avez pas pris votre voiture. Même s'il pleut. Et après tout ça, vos investissements, eux, ne seraient pas responsables? À la Matmut, vous avez la possibilité d'épargner en faveur de l'environnement, de l'inclusion et de l'innovation sociale. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Coordonnées complètes et plus d'informations en agence et sur matmut.fr. France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Colette, sous l'occupation, la dame du palais royal dans la tourmente. Colette avait connu la guerre de 14-18. Comme la plupart des femmes, elle l'avait vécue à l'arrière, et comme écrivaine, elle l'avait évoquée dans ses romans et ses chroniques. Et quand en 1939, rebelote, la Seconde Guerre mondiale avait éclaté, cette ardente patriote l'avait affrontée avec la même abnégation. Mais en 1940, peut-on continuer à vivre et à écrire comme si de rien n'était, alors que les nazis paradent dans Paris, que la Révolution nationale est en marche et que sont édictées les premières lois anti-juives? En 1940, Colette, 67 ans, véritable gloire nationale, décide de vivre cloîtrée chez elle dans son appartement du Palais Royal. Ce sera son refuge, dit-elle, sa tanière, où, avec son cher mari Maurice Goudequette, qui est juif, et sa bonne, la fidèle Pauline, elle pourra, croit-elle, se faire oublier de l'occupant et de Vichy. Mais le fracas du monde va vite la rattraper. Collabo, résistante, la célèbre autrice des Claudines va jusqu'à la libération, naviguer entre compromissions réelles et petits actes de bravoure, avec toujours au ventre la faim et surtout la peur. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bénédicte Vergès-Chaignon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation. Vous connaissez bien Colette, à laquelle vous avez consacré un livre, Colette sous l'occupation. Alors je suppose que c'est à la fois l'écrivaine et le personnage historique qui vous ont conduit à écrire sur elle. Absolument. Je suis une lectrice passionnée de Colette depuis mon adolescence. J'avais lu plusieurs fois ses romans et ses nouvelles, mais pendant le premier confinement, en désespoir de cause, eh bien, je me suis mis à lire les recueils de ses articles, y compris ceux parus au début de l'occupation. Et voyons, une historienne... Jean-Marc Larebourg, peut-être ? Oui, et en fait, Paris de ma fenêtre, qui s'est appelé ensuite de ma fenêtre. J'ai découvert que dans les biographies de Colette, qui sont nombreuses, ces années-là étaient soit évoquées très rapidement, soit évoquées d'une manière qui faisait dresser l'oreille à l'historienne que je suis. J'ai eu envie d'en savoir plus et d'aller voir des archives. A priori, Colette ne fait pas partie des écrivains labellisés résistants ou bien collabos, donc on ne savait pas grand-chose et votre livre vient combler un vide. Alors, ce qu'on savait était presque erroné dans la mesure où il y avait pas mal de rumeurs sur ce à quoi elle aurait consenti pour faire libérer son mari du camp d'internement allemand de Compiègne. Et puis, d'autres écrivains qui avaient eu maille à partir avec l'épuration à la libération, comme Monterland ou Céline, se comparaient à elle pour en dire le plus grand mal. Ah oui. Première chose à noter, Colette, c'est une dame bien âgée. Elle est âgée pendant la guerre. Elle est née en 1873. Elle a donc 67 ans en 1940. Et la plus grande partie de sa vie donc, et de sa carrière sont derrière elle. Quelle est sa notoriété au début de la Seconde Guerre mondiale? Sa notoriété est très grande. C'est pratiquement un people, comme on dirait maintenant. Elle est très présente dans les journaux, non seulement parce qu'elle tient chronique dans des titres de presse diffusés à des millions d'exemplaires, Paris Soir, voilà, ou Marie Claire, qui lui consacre même des numéros spéciaux. Et puis, elle est connue de tout le public de ses lecteurs et de ses lectrices, c'est une femme à qui on demande des autographes dans les restaurants ou dans la rue quand elle se montre. La série des Claudines, elle les a écrites donc très jeunes, ça c'était entre 1900 et 1903. Après, elle a eu ses autres grands succès comme La Vagabonde en 1910, oui, Chérie. Dans les années 1920, elle a produit certains de ses plus grands romans qui ont assis non seulement sa célébrité, mais aussi sa réputation de grand écrivain français. Et ses livres se vendent très bien. On reconnaît d'ailleurs si bien son talent qu'elle est devenue aussi un auteur addicté. Voilà, ce qui est une forme de consécration. Oui, et en même temps, vu avec un peu de dédain par certains écrivains. Parce qu'elle est une femme, donc on part du principe qu'elle écrit sur les femmes pour les femmes, et on a tendance à mettre en avant dans sa production tout ce qui est description de la nature ou anecdote sur les animaux, effectivement, pour laisser la dénigrer, de côté, quoi. Voilà, et laisser de côté ce qui est choc, ce qu'on appelle ces histoires de gigolos et de femmes entretenues, la manière très franche dont elle parle de la sexualité, de toutes les sexualités. Elle a aussi d'ailleurs une réputation assez sulfureuse. C'est une ancienne danseuse musicale, parfois nue, elle ne cache pas sa bisexualité, elle a donc eu des relations lesbiennes, et elle, voilà, donc c'est quand même quelque chose que les Français ont en mémoire en 1940. Voilà, et que certains lui reprochent, que d'autres ont oublié, voilà, au bénéfice de l'âge. Et c'est vrai que Colette elle-même a fait une sorte de reconversion dans la respectabilité au fil des décennies. En 1939, donc, Colette a vu arriver la Seconde Guerre mondiale comme elle avait vu arriver la première en 1914. En réalité, la défaite de 1940, l'invasion allemande et l'occupation vont bouleverser la donne, on va le voir. Colette va le découvrir à ses dépens. Bénédicte Vergès-Chaignon poursuit tout à l'heure ces discussions, si vous voulez bien. Tout de suite, Colette sous l'occupation, la dame du Palais Royal dans la tourmente, un texte de Pascal Memery, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Baptiste Guiton, avec Josiane Balasco dans le rôle de Colette et Laurent Stocker de la Comédie Française dans celui de Maurice Goudequette. Retrouver chaque matin mon palais royal, ce village au cœur du vieux Paris, mon refuge, non, ma tanière. Les Allemands ne viennent pas par ici, ils trouvent l'endroit trop décati, trop mélancolique. Par contre, autour, ils sont partout. Ils m'ignorent, ceux de Vichy me méprisent, et moi, je dois dissimuler l'aversion que tous ces gens m'inspirent. Je ne risque pas grand-chose. Mais Maurice, n'y pensons pas trop. Allez, debout. Bon sang, cette hanche. N'oublions pas que j'ai trois bouches à nourrir. Je dois gagner ma croûte. Quelle heure est-il? Pauline! Tonnerre de bon Dieu, Pauline! 5 octobre 1940. Cela fait un mois que Colette, Maurice Goudequette, son mari, et Pauline, sa gouvernante, ont regagné Paris et leur petit appartement du Palais Royal. À 67 ans, Colette est déjà et depuis longtemps une gloire nationale de la littérature. Mais Vichy et les collaborationnistes voient d'un mauvais œil cette ancienne danseuse dénudée de music-hall et bisexuelle assumée. Maurice Goudequette, qui est juif, se retrouve en première ligne depuis la promulgation par Vichy d'un premier statut des juifs. Colette a rendez-vous chez elle avec le directeur d'un grand quotidien qui souhaite lui confier une chronique. Elle va jouer l'extrême prudence. Son idée fixe, protéger Maurice. Mais je tenais d'abord à vous exprimer, au nom de toute la rédaction du Petit Parisien, notre immense gratitude. Nous sommes fiers de ces écrivains qui nous ont promis leur éclatante collaboration littéraire. Bonnard, Drieu-La Rochelle, et pour couronner le tout, une grande intellectuelle comme vous. Je vais vous décevoir, monsieur Dupuis. Je ne suis pas une intellectuelle, j'écris. Faudrait-il encore que je pense? La politique, voyez-vous, ne m'intéresse pas. Disons plutôt que je suis nul en politique. Je fuis ces conversations, comme les cercles littéraires. Mon ami Cocteau s'y rend régulièrement, mais moi, je m'y ennuie à 100 sous de l'heure. Je comprends mieux votre absence au gala de Radio Paris jeudi soir. Toutes nos vedettes et beaucoup de nos intellectuels s'y trouvaient. Je souffre de crises d'arthrose qui me clouent au lit régulièrement. Je vis comme une prisonnière au Palais Royal, une prison dont je ne voudrais sortir sous aucun prétexte. Mais je ne cesserai jamais d'être patriote. Fille d'anciens combattants, j'ai gardé toutes les décorations de mon père. Mon mari aussi est un ancien combattant et décoré de la Grande Guerre. J'étais à Paris de 1914 à 1918. Je passe toutes mes guerres à Paris, comme si je ne pouvais l'abandonner à son sort. Mais dites-moi, au téléphone, vous avez toutefois évoqué une condition. Me laisser carte blanche. Je veux continuer ce travail que j'ai commencé dès 1914, voyez-vous. Écrire sur et pour les gens de l'arrière, les femmes en particulier, les plus démunies. Ce que j'appelle mes petits papiers de circonstance. Donner des conseils, réconforter autant que possible. Vivre et écrire, voilà tout ce que je sais faire. Penser, non. C'est mon corps qui pense, comprenez-vous? Votre corps qui... C'est passionnant, passionnant. Vous aurez carte blanche, n'ayez crainte. La propagande Staffel nous a donné ses garanties. Elle ne souhaite pas bouleverser notre ligne éditoriale. Une chance. Nous serons soumis à une censure dite « ordinaire ». Oui, je sais, ça prête à sourire. Avec l'obligation d'insérer les communiqués officiels. Mais nous nous en sortons mieux que beaucoup d'autres. C'est aussi pour cette raison que j'ai accepté ce rendez-vous. Tiens, voilà Maurice. Je te trouve en excellente compagnie. Bonjour Pierre. Bonjour. Maurice Goodkett, mon mari et aussi mon meilleur ami. Mais je vois que vous vous connaissez. On s'est croisé quelques fois dans des salles de rédaction. C'était avant ma reconversion dans le commerce des pierres précieuses, des émeraudes. J'ai tout arrêté il y a 2 jours. Je ne vous apprends rien. Laissez-moi vous dire, monsieur Goodkett, ce nouveau statut des Juifs me choque et m'inquiète. Qu'est-ce que cela nous réserve? Nous partageons vos inquiétudes, monsieur Dupuis. J'ai affaire. Je vous prie de m'excuser. Chérie, tu as expliqué à Pierre? Je pensais te laisser faire. Je m'occupe désormais personnellement des contrats de mon épouse. Compte tenu des circonstances, je deviens son agent littéraire. Je suis également libraire en chambre. Si vous êtes en quête d'éditions rares, je suis votre homme. Suivez-moi, Pierre. Nous serons plus à l'aise dans mon bureau. Monsieur Maurice, votre agent? Ça alors? Les Juifs n'ont plus le droit de travailler. Il fallait bien trouver quelque chose. Aidez-moi, Pauline. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Prenez mon bras. Faut que je vous dise, pour les provisions qui nous arrivent de la campagne, on a un petit problème. Ça m'a dit. Les colis sont pas arrivés. On a encore un peu de réserve, mais... Vous m'inquiétez, Pauline. Qu'est-ce que je disais? Je vous raconte pas l'histoire. Le problème, c'est les gens qui stockent. En 14-18, c'était pareil. Qu'est-ce qu'il nous reste? Des œufs et une botte de poireaux, cadeau du charbonnier. Il jure que par vous, encore une chance. Et les autres colis, nos 2 petites fermières de Bretagne? Pas de nouvelles. En attendant, on a reçu les consignes, c'est nouveau. Le rationnement, ils appellent ça. Ça marche avec des cartes. Des cartes et des coupons. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? 250 grammes de pâtes alimentaires contre coupon numéro 6. 100 grammes de riz contre le coupon numéro 5. Ah, du lard, tout de même. 20 grammes. 20 grammes de lard par jour. Oh, c'est déconseillé pour le foie, ça. 20 grammes par mois, madame Colette. Oh. En faites pas cette tête-là. On va se débrouiller. Avec ce qui nous reste, je peux faire une flognarde. Une quoi? Un genre de crêpe, une recette de chez moi. Une flognarde. Alors, il ne l'a pas négocié? Ton contrat et le chèque, légèrement revu à la hausse. C'est plus que ce qu'on avait dit, comment tu as fait? J'ai insisté sur la clause de préachat. Tu as l'intention de faire éditer tes rubriques par la suite, tu leur donnes la primeur d'un écrivain comme Colette, ça se paye. Tous mes articles restent ma propriété. Tous? Ils n'ont aucun droit d'en disposer à leur guise. Aucun, c'est écrit là. Tu n'as plus qu'à signer. Tiens. Je redoute plus que tout la récupération, le vol, on ne sait jamais. Comment te remercier, Maurice? On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Vous pouvez nous laisser, Pauline? Allons nous asseoir. Tiens. C'est quoi? Les clés de la chambre de bonne de Madeleine. Madeleine? Ma brodeuse, tu te souviens? Quand on habite à l'entresol, elle n'y va jamais. Tiens, c'est seulement pour la nuit. Tu plaisantes? Tu es juif, Maurice, à la merci du moindre contrôle. Être juif, ça ne veut rien dire pour moi. J'ai oublié d'être juif, tout ça n'a aucun sens. Tu me vois vivre caché? Hors de question. Tu risques d'être arrêté, partout, dans la rue, les magasins, ici. Et après? Après, justement, on ne sait pas. Tu as entendu Dupuis? Lui aussi est inquiet. Et il est probablement mieux renseigné que nous. Je ne veux pas que nous soyons séparés, jamais. Tu connais mes résolutions, Maurice. Ne jamais rien demander à Vichy, pas de telle ambassade. Travailler avec des gens propres. Des résolutions, j'en ai des nouvelles. Tous les deux, même avec nos 15 ans d'écart, on sait ce que c'est la guerre, la faim, le froid, l'attente lancinante, le danger, la peur. Alors gardons-nous de commettre le délit de... De ? Le délit de mauvaise humeur. Il faut se préparer, tenir et se tenir, rester digne toujours, envers et contre tout. Jure-moi que tu passeras tes nuits là-haut. Juste les nuits, Maurice. Je t'en supplie. Colette se met au travail, bannit prudemment certains mots de ses papiers. Occupant, collaborationniste, guerre, autant de mots à éviter. Pas question de prendre le risque de déplaire ni à l'occupant ni à Vichy, pas question non plus de leur cirer les bottes. Les semaines passant, elle s'efforce, l'air de rien, de dénoncer des conditions de vie de plus en plus précaires. Je consacrerai dès la semaine prochaine une chronique sur l'utilisation des déchets alimentaires. Où prendre le déchet quand on n'a pas la pièce? Tâchons d'en sourire. L'humour est une forme de courage. Ce numéro du Petit Parisien restera, j'espère, dans nos annales. Il y est question de la queue que l'on fait pour le lait, de rutabaga, de mayonnaise sans huile et sans œufs, de chandeleur sans crêpe. Et voici maintenant, comme promis, la recette de mon amie Pauline, qui nous vient de Corrèze, simple et pas chère, la flognarde. Prenez 2 œufs seulement, 1 verre de farine. En région parisienne, une ordonnance de l'occupant contraint les Juifs à venir se faire recenser au commissariat de quartier. De même, leurs entreprises économiques doivent-elles impérativement être déclarées. L'hiver 41 s'installe et avec lui un froid glacial. Au système D succède le troc. Tout s'échange. Colette signe des autographes contre des morceaux de savon. Aux pénuries alimentaires et vestimentaires s'ajoutent bientôt celles du bois, du charbon, de l'essence. La population serre les dents. Madame a bien dormi? Je suis frigorifiée. Que dit la météo? Que dehors il fait moins 12 et que ça va pas s'arranger. Madame veut son édredon? Donnez. Monsieur Cocteau nous a bien fait rire hier soir. Avec nos couvertures sur le dos, c'est vrai qu'on avait tous l'air de cocher de fiacre. C'est ça les poètes. Je vous laisse travailler ou on s'occupe de votre toilette maintenant? J'en ai assez d'écrire mes guimauves, Pauline. Les temps changent, l'humeur de mes lectrices aussi, elle s'assombrit. À Noël, les Allemands ont tout pillé, on n'a plus rien. Nous réussissons à nous en sortir avec un peu de marché noir, mais mes lectrices, elles, comment font-elles? Comment se chauffer sans charbon, se vêtir sans tissu? Approchez mon bureau. Oui, comme ça. Et mes stylographes aussi. Merci, Pauline. Il est temps d'arrêter de financer et de dire enfin ce que je vois. D'ici, depuis cette fenêtre. Dites à monsieur qu'il ne m'attende pas pour le petit déjeuner. Et laissez-moi, je vous prie. Je veux parler de cette heure noire, de l'heure allemande, de tous ces gens que je vois partir trimer à 4 heures au lieu de 6, dans la nuit, le froid, leur lampe de poche au poing. Que l'avenir leur récompense ce pari méritoire. Un courage à danser et guide sa population vers des buts qu'elle ne veut et ne peut délaisser. Acquérir la subsistance et la distribuer ensuite. Faire à chacun la part qui empêche de mourir. Allez-y, messieurs de la censure, affûtez vos ciseaux. L'article échappe à la censure. Mais début 1941, un journal clandestin de la Résistance, La Pensée Libre, épingle Colette parmi d'autres écrivains français en chemise brune pour ses articles dans Le Petit Parisien et la publication en feuilleton de son dernier roman dans l'hebdomadaire collaborationniste Gringoire. Peu après, le 14 mai 41, la police de Vichy procède à la première rafle dite du billet vert. Près de 4000 juifs étrangers, uniquement des hommes, sont arrêtés. Colette est au téléphone avec son ami Jean Cocteau. Non, c'est pire que ça. Ils les ont convoqués au commissariat. Tous arrêtés. Une vraie souricière. Ah, oh, je tremble pour Maurice. Voilà Pauline, je te laisse. Madame, il y a un homme pas bien beau à la porte, là, qui a deux perdreaux tués de ce matin pendus sous sa blouse. Ça va, madame? Vous êtes toute pâle. Est-ce que monsieur Maurice dort dans sa chambre de bonne, oui ou non? Vous seul pouvez le savoir. Votre chambre est à côté de la sienne et c'est vous la première levée. Le monsieur, dans l'entrée, qu'est-ce que je lui dis? Pauline, de grâce. Monsieur Maurice dort ici, madame, dans sa chambre, avec nous, toutes les nuits. Oh! Mais vous vous faites trop de soucis. Allez, regardez-vous, vous voulez pas vous asseoir. Madame Colette. Oh! 12 décembre 1941. Il est 7h20 du matin quand on sonne à la porte. Deux Allemands en uniforme viennent arrêter Maurice. Pauline se précipite, le cœur battant, vers la chambre de Maurice, qui, hélas, est bien là, dans son lit. Sans cris ni larmes, Colette et Pauline, terrifiées, impuissantes, muettes, l'aident à préparer son paquetage. Puis Maurice est emmené. C'est le début, ce jour-là, de la rafle dite des notables. 1000 juifs français, des hommes influents ou de milieux aisés. Maurice est parti, très calme, vers je ne sais où. Chargé du crime d'être juif, d'avoir fait la grande guerre et d'être médaillé. Après 3 semaines sans aucune nouvelle, je viens seulement d'apprendre qu'il est dans un camp, à Compiègne. Que les conditions de vie sont atroces, les prisonniers privés de tout contact avec l'extérieur. J'appelle tout le monde, nuit et jour, mes amis, mes ennemis, des inconnus. Je sonne à tous les râteliers. Jean a appelé les Brasillas. Le seul qui est appelé, c'est Monsieur Guitry. Qu'est-ce qu'il dit? Il attend toujours des nouvelles de ses contacts. Il va passer ce matin voir madame. Bon sang, vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Donnez-moi vite ma robe de chambre. Oui, celle-ci. Le foulard rose aussi. Apportez-moi mon nécessaire à toilette. Ma boîte de poudre et le papier à lettres. Oui, le bleu, je n'utilise que le bleu. Vous ne le savez toujours pas au bout de 15 ans de service. Téléphone, dépêchez-vous, si ça se trouve c'est Maurice. Allez! J'ai pas 36 bras et j'ai pas 36 jambes non plus. Mes lunettes, qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai posées là il y a 2 minutes et je crois que je deviens folle. Oh bon sang, bonsoir. Laissez. Madame Colette, je m'en occupe. Madame Colette, c'était Monsieur Cocteau. Il attend un appel de la femme de l'ambassadeur, Madame Abetz. Il dit que c'est une bonne piste, qu'elle est prête à tout pour nous aider, qu'elle a lu tous vos livres. Une bonne piste, tu parles. Mes lunettes, tonnerre de mon Dieu. Vous devriez vous calmer, Madame Colette. Sinon quoi? Vous retournez en Corrèze? Eh bien, allez-y, je vous retiens pas. Bien, madame. Revenez, Pauline, revenez. J'ai peur de ne jamais voir la fin de cette guerre, de m'éteindre avant. Peur de ne jamais revoir Maurice. Vous savez tout. J'espère que vous ne me quitterez jamais. Je n'ai jamais dit ça à personne. Je vais voir le courrier. Madame? Madame, il y a une lettre de Monsieur Maurice. Oui, sur votre nez, les lunettes. Ah, oui. Oh, mon Dieu. Il écrit sur des bouts de papier. Je ne reconnais pas son écriture. Je suis avec d'autres prisonniers, des communistes et des Russes. Solidarité admirable. Du lard? Mais ruine-toi, ruine-nous, manger du pain, du gros, c'est souligné 3 fois. Colette harcèle amis et relations de tous bords, sans état d'âme, pour sortir Maurice de cet enfer. Une existence entre qui-vive et attente interminable, que Colette essaie de tromper. Elle se met à la broderie, au point de croix, manie les aiguilles pour conjurer l'angoisse. Quand 2 mois plus tard, le matin du 6 février 1942. Voilà, voilà. Monsieur Maurice. Monsieur Maurice, mais c'est pas du possible. Dans quel état ils vous ont mis? Les saligots, à peine si je vous reconnais, laissez-moi vous regarder. Est-ce que je peux entrer? Oh, pardon, c'est que je suis toute retournée. Laissez-moi vous aider. Non, non, laissez. Madame n'est pas là? Elle avait tellement le cafard qu'elle est partie au coiffeur. C'est pas de chance. Il y a quoi dans vos sacs? Du linge, des papiers, je ne sais plus. Comment va-t-elle? Mal. Elle vit plus, elle fait semblant. On n'a pas idée de faire du mal comme ça aux gens. Posez vos affaires, donnez-moi votre paletot. Ne me touchez pas, Pauline. Je suis couvert de vermine. Appelez madame plutôt, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Allô, le salon de coiffure? C'est la gouvernante de madame Colette. Oui, très pressée, merci. Monsieur est là, devant moi, comme je vous le dis. Franchement, il n'est pas joli joli. Non, non, je vous le passe pas, il est plein de bestioles. Oui, la vermine. Je lui dis. Madame Colette s'en veut de pas être là, elle arrive. Ce qu'on va faire en attendant? Un bon bain? Je vois que ça. Ça vous dit, monsieur Maurice? Faut voir comment il a dit oui. Madame arrive. Voilà que je retrouve ma perception normale de toute chose. Et solide dans le malheur, je suis devenue toute molle et idiote depuis 2 jours. Le reste, privation, restriction, ne compte plus. Impossible de savoir à qui nous devons ce miracle. Tout le monde lève le doigt, se proclamant être le sauveur. Il s'agit probablement de la femme d'Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne. Tous les journaux sont maintenant sous la coupe hitlérienne. J'arrête mes articles, trop dangereux. Mais ce matin, voilà que le maréchal me passe commande. Je ne m'en sortirai donc jamais. Une dictée pour une classe de jeunes filles de l'école de Bois-Colombes. Le thème, la solidarité. Pauvre jeune fille, je ne suis pas inspirée. Je vais faire ce que je peux. Un champ de blé, lorsque le vent l'assaille, se couche tout entier du même côté. Pas terrible, poursuivons. Si l'épi était doué de conscience, il n'agirait pas autrement. L'impression d'avoir lu ça 10 fois. Se sentant solidaire de tous les autres épis qui obéissent au vent pour n'être point rompus, mon message est consternant de banalité. Il a pour seul mérite celui d'être sincère. En juin 1942, l'occupant ordonne aux Juifs le port de l'étoile jaune. Maurice s'y refuse. Colette, encore très affaiblie, le supplie alors de partir en zone libre. Elle a tout prévu. Une fois Maurice à l'abri chez des amis à Saint-Tropez, elle peut enfin se mettre à l'écriture de son roman « Gigi ». Mais en novembre 1942, Jacques Le Marchand, un journaliste de la Gerbe, journal hitlérophile notoire, la presse de lui accorder une interview. Passée maîtresse dans l'art de l'évitement, Colette se résout à lui donner rendez-vous chez elle. Elle croit rouler le bonhomme dans la farine, elle se trompe. Et maintenant que je vous ai montré ma collection de presse-papier, suivez-moi, c'est par ici. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Encore? Je vous ai envoyé mon article sur la Bourgogne, vous n'en avez jamais assez. Voyez ce couloir, entièrement tapissé de lettres d'amis à moi. Ouais, quelle vie vous avez eue. Juste quelques questions d'actualité. J'en ai eu plusieurs, au moins 7. Je les appelle mes éclosions. Une vie peut en contenir plusieurs, à condition de savoir se réinventer soi-même, comprenez-vous? Je vous passe devant. Hein. Oh, mon Dieu, cette hanche. Dans votre article sur la Bourgogne, vous ne parlez jamais de politique. Quelle idée! Il s'agit de souvenirs de mon enfance, de mon amour du vin, suivi de quelques tableaux de nature. Et voici ma chambre. Justement, à propos de politique. Mon célèbre Lirado. C'est là que j'écris. Ben, approchez. Oui, oui. C'est un cadeau, hein, du sur-mesure. Il a changé ma vie. Je regarde par cette fenêtre et j'écris. Justement, ce présent que vous observez, que vous scrutez sans répit, que vous inspire-t-il? Madame, c'est l'heure de vos médicaments. J'arrive. Quelques mots sur les temps actuels avant de se quitter. Je me dis que cet hiver va être glacial, comme ceux qui l'ont précédé, et que nous n'avons pas fini de souffrir. J'attends le printemps. Mais quand la guerre sera gagnée et que Hitler reviendra à Paris, s'il vous demande ce que vous pensez de lui, qu'est-ce que vous lui direz? J'ai assez de confiance en moi pour être assurée que je trouverai à ce moment dans mon cœur de Française la réponse qui conviendra. C'est par ici, monsieur. Bon. Je me suis fait piéger, récupérer. mon article odieusement mis en scène. Tout autour, il n'est question que de rapprochement franco-allemand, de Bourgogne germanique, de proximité raciale des Bourguignons et des Ariens. Et ce matin, dans les lettres françaises, ce commentaire. Il est douloureux de voir le nom jusque-là respecté de Colette servir à une telle besogne. Qu'est-ce que je peux faire? Un procès? Oh, si seulement Maurice était là. À partir de maintenant, j'évite tout. En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Les Allemands répliquent par l'invasion de la zone libre. Toute la France est désormais occupée. Alors que les arrestations et les déportations de Juifs s'accélèrent, Maurice, de retour à Paris, mène maintenant la vie d'un clandestin entre l'appartement et la chambre de Bonne. En février 1943, la victoire soviétique de Stalingrad redonne de l'espoir. Carte d'état-major sur les murs, bulletin de la BBC épié 3 fois par jour, le petit appartement de Colette a maintenant des airs de quartier général. On s'efforce de conjuguer l'espoir avec l'attente. Reçu ce matin pour mes 70 ans, un cadeau du maréchal. Sur ma carte d'alimentation figure maintenant un V au lieu du A. A pour adulte, V comme vieillard. Il divise par 2 le nombre de mes calories. 200 grammes par jour au lieu de 350. Non, décidément, je ne m'habitue pas à la vieillesse. Excuse-moi, tu as écrit pour ce torchon? De quoi tu parles? Dans combat? Mais jamais, jamais de la vie. Et ça? Montre. Tonnerre de bon Dieu, ils ont osé. Mais souviens-toi, c'est un article que j'ai écrit en 41 pour Le Petit Parisien. Tu ne vas tout de même pas croire que... C'est du vol. Du pillage. Tout le monde va penser que j'ai été payé par ces salauds. Tu m'avais promis que ça n'arriverait jamais. La récupération, le vol, Maurice, oui ou non? On ne devait pas rester digne en toutes circonstances. Tenir et se tenir. Pardon. J'ai eu des problèmes pendant ton absence. Je ne voulais pas t'embêter avec ça. Allemands et collaborationnistes me récupèrent. Résistants et communistes me menacent. Je n'en peux plus. Le vent tourne et tout m'échappe. Cette libération que nous attendons tant et qui va te sauver, que va-t-elle faire de moi, de nous? Quand est-ce que tout ça va finir? Je serai toujours là, tu le sais. Chacun son tour, non? Je croyais que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Quelle question! Manger! Manger quoi? Dis! Une orange. Ah, on n'en trouve plus depuis 3 ans. Je patienterai. L'été 1943 marque un tournant décisif. La répression contre les Juifs et les résistants s'intensifie. Chez Colette, on vit l'oreille collée à la BBC dans l'attente interminable du débarquement allié. Les jours s'enchaînent, puis les mois. Aux premières sirènes d'alerte de 1943 succèdent les bombardements incessants des raids alliés du printemps 44. Encore un as? Vous avez du jeu, pas comme moi. Vous aviez gagné la première manche. Belote et re. On fait la revanche? J'en ai soupé de la belote. Regardez, dehors, dans le jardin. Les gens ne bougent pas. Les enfants jouent comme si de rien n'était. Il y a même un couple qui s'embrasse. Je suis passée tout à l'heure chez la mercière. Figurez-vous... Vous avez vu mon châle? Vous sortez? Qu'est-ce qui vous prend? Madame Colette, c'est interdit. Dedans? Dehors? Entre nous, qu'est-ce que ça change? Et puis j'en ai assez d'obéir. Maurice n'obéit pas, lui. Le recensement, c'est moi qui l'ai poussé à y aller. J'aurais jamais dû. Et ceux qui, comme lui, ont refusé de porter l'étoile jaune, si ça se trouve, ils s'en sont mieux sortis que les autres. Alors, obéir, oh, obéir. J'ai mis un mot à Monsieur Maurice pour quand il va descendre, qu'il aille pas se faire du souci. Vous avez bien fait. Qu'est-ce que je disais? La mercière. Ah oui. J'arrive à la boutique, et là, la vendeuse, celle qui est toujours à la caisse, vous voyez qui je veux dire. Celle avec le gâteau de Savoie sur la tête. Elle me dit, on n'a plus rien, madame. Même plus de canevas. Rien. Qu'est-ce qu'on va devenir, madame Colette? De vous à moi, Pauline, la broderie, la tapisserie, je crois que j'en ai soupé aussi. Ils sont pas loin, les alliés. Ils sont où? La chapelle, la gare de triage. Bah dis donc, ça dégringole drôlement à la chapelle, les pauvres gens qui n'ont rien demandé. Ah mais ce serait pas monsieur Maurice là-bas? Oh hé, monsieur Maurice! Maurice! Oui? Vous me faites une petite place? J'ai quelque chose pour toi, mon cœur. Tiens. Oh! Une orange! Oh. Madame veut que je lui épluche? Mais où l'as-tu trouvée? C'est un secret. Oh. Pas la peine de me regarder comme ça. Non! Bon, c'est Raymond. Monsieur Oliver, du Grand Véfour. Tenez, madame Colette. Oh, goûtez-moi ça, Pauline, Maurice. Le débarquement tant attendu a enfin lieu le 6 juin 1944. Le 24 août, la 2e DB et les alliés font une entrée triomphale dans la capitale. La veille, D et Fifi ont arrêté Sacha Guitry chez lui. L'heure de l'épuration a sonné et le milieu littéraire n'est pas épargné. Colette non plus. Dès le début septembre, il est question d'une liste d'écrivains indésirables. Ils ont mis le bassin en eau. 5 ans qu'on attendait ça. Écoute. Guitry est à Drancy, tu savais? Vaguement. Vaguement. J'ai écrit dans son livre de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain. Il y a mon nom à côté du sien sur la couverture. Ton article sur Balzac, oui, je vois pas où est le problème. Et tous ceux qui se déversent à la radio, dans les journaux, partout contre moi. Tu ne vois toujours pas le problème? Monterland, Brasillac, Céline, ils racontent partout qu'ils l'ont pas fait pire que moi. J'ai écrit dans la presse, d'accord, mais qu'ils citent un mot de moi, un seul en faveur des Allemands ou de Vichy, un mot contre les Juifs, un seul. Je me méfie tellement des procès intérieurs. Ils sont dégueulasses. J'emploie exprès ce mot lui-même ignoble. Tu n'as rien à te reprocher. C'est vrai, mais je ne suis pas sûr que cela suffise. Mais une voix va s'élever. Écrivain phare du monde littéraire et figure de la résistance communiste, Louis Aragon rend hommage non seulement à la patriote, mais aussi, écrit-il, au plus grand écrivain français. Joignant le geste à la parole, il invite Colette à rejoindre sa prestigieuse revue de la Résistance, Jour de gloire. Une reconnaissance inespérée qui laisse toutefois Colette quelque peu songeuse. Ce matin de septembre 1944, elle lézarde, seule, assise près du bassin, dans le jardin encore désert à cette heure du Palais Royal. La Résistance? Je suis humblement parmi ceux qui ne firent qu'attendre. De quelle résistance parlerais-je, sinon de toutes celles que j'ai vues ici, depuis ma fenêtre? Ce n'est que de là que j'ai vu Paris s'enfoncer dans la douleur, noircir de chagrin et d'humiliation, mais aussi se refuser chaque jour davantage. Refus de sourire, d'être séduit, d'être terrorisé. Maurice prétend que je suis à l'aube d'une nouvelle vie, une nouvelle éclosion. À 71 ans, Eh bien, si ce devait être le cas, je voudrais la vivre comme toutes les autres, comme toutes mes vies d'avant, férocement. Colette sous l'occupation, la dame du Palais Royal dans la tourmente, de Pascal Memery, avec Colette, Josiane Balasco, Maurice Goudequette, Laurence Stocker de la Comédie Française, Pauline, Claire Dumas, Pierre Dupuis, Gabriel Dufay, Jacques Lemarchand, Benjamin Habitant, bruitage Sophie Bissans, prise de son montage et mixage Pierre-Henri, Timothée Hubert et Jess Santaous, assistante à la réalisation Justine Dibling, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on continue de parler de Colette sous l'occupation avec mon invité, l'historienne Bénédicte Vergès-Chénion. Dive d'Olivia Dean sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, est réalisé par Stéphane Ronxin, assisté de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique David Diboué-Black. Bénédicte Vergès-Chénion, nous avons donc traversé l'occupation avec Colette dans son appartement du Palais Royal, son refuge où elle espérait vivre tranquillement. Alors d'abord, on peut s'étonner qu'après l'exode, quand elle est partie en 40, à l'été 40, et elle est revenue en septembre à Paris, en zone occupée, là où se concentrent les Houdiners nazis. Alors je vous propose justement d'écouter Colette à ce sujet. Elle est interviewée en avril 1941 par un journaliste de Radio Paris, et donc la radio de la collaboration, qui vient donc chez elle l'interviewer au sujet de son dernier livre. Colette publie ces jours-ci un nouveau livre, Journal à rebours, un chef-d'œuvre. Je m'excuse de le dire en sa présence. Colette vient d'être grippée, elle me reçoit dans sa chambre, prolongée par une autre pièce claire qui donne sur le Palais Royal. Chère Colette, vous nous donnez donc à votre tour votre livre d'exode. L'exode, oui, c'est le mot propre, mais il a été trop vite adopté, je ne l'aime pas. On dirait un nom de maladie collective, vous ne trouvez pas? N'a-t-il pas été un peu ça? Comment cela s'est-il passé pour vous? Je n'étais pas contente d'être loin, je ne voulais que Paris. J'aime me trouver à la source de ce qui se passe, à la source de toutes les nouvelles qu'on pouvait avoir. Je ne fais pas beaucoup de cas de la sécurité matérielle. Je travaille comme je peux, autant que je peux, et je ne demande rien à personne. Je reste donc beaucoup dans ma chambre, et ne m'en plaignez pas, puisque vous le voyez, dans cette chambre, le soleil est chez lui, et qu'elle donne sur le jardin du Palais Royal. Donc, une interview de 1941 de Colette. C'est toujours émouvant de retrouver cette voix, Bénédicte Vergès-Chénion. Oui, une voix bien connue des Français, puisque avant la guerre, Colette était présente déjà à la radio. Oui, même déjà en dans les 39-40. Oui, oui. Pourquoi Colette est rentrée à Paris? Elle dit que c'est là que ça se passe. Est-ce que c'est pas un peu aussi, mais c'est moins avouable évidemment à un journaliste, parce qu'elle doit gagner sa croûte, oui, quoi. Oui, elle oui, vide sa plume, tout à Colette. Fait. On l'a vu dans l'exercice de l'interview, au fond, prendre la main et dire ce qu'elle a envie de dire. De ouais. dire voilà, un journaliste un peu obséquieux. Voilà, dans une version très édulcorée. Oui, bien sûr, il faut qu'elle gagne sa vie. Ça a été une obligation pour elle tout au long de sa carrière. Ça a motivé ses carrières, d'ailleurs. Et c'est d'autant plus vrai, puisque les ordonnances allemandes et le statut des Juifs interdisent à Maurice Goudkette la plupart des activités professionnelles qu'il aurait pu exercer. Donc, oui, c'est elle qui va devoir trouver du travail et elle est persuadée, elle pense qu'elle en trouvera plus facilement à Paris. Donc, pour elle, gagner sa vie, c'est écrire des articles dans la presse. Et évidemment, écrire des livres, mais aussi écrire pour la presse. Oui, écrire pour la presse, publier dans des journaux ses romans et ses nouvelles en avant-première. C'est une chose qui se fait énormément à cette époque-là. Et ensuite, oui, publier des livres. Elle ne sait pas très bien en 1940 si ça va rester possible. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle elle essaye de venir au plus près des organes de décision. Mais elle est d'ores et déjà décidée, elle s'est fixée un but, faire tous les métiers sauf les vilains. Oui, c'est l'expression qu'elle utilise, qui est jolie. Ah, ce qui est assez intéressant aussi dans notre histoire, dans les fictions qu'on vient d'entendre, et puis dans l'archive aussi, c'est la manière dont elle reçoit le journaliste. Elle dit qu'elle est malade, elle l'est peut-être vraiment, mais elle le reçoit dans sa chambre. Il y a une espèce de mise en scène aussi, et surtout son art de dire des choses, mais toujours de manière un peu allusive. Elle dit l'exode, je n'aime pas ce mot, c'est une maladie collective. Enfin, elle ne critique pas, mais elle a des expressions comme ça un peu, voilà, sur des allusions un petit peu politique, mais vraiment oui. Éloignée. Quoi. Voilà, toujours en ayant l'air de parler d'autre chose. Oui, ne pas y toucher. Oui. Depuis qu'elle est jeune, Colette a compris qu'elle doit contrôler son image publique. Oui. Ah, surtout pendant l'occupation. Et voilà, elle met à profit cette expérience pour éviter absolument de dire quoi que ce soit qui puisse être récupéré. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, dans les interviews, elle prend la main et elle parle de tout. Oui. De fleurs, d'animaux, de papier à lettres, peu importe, du coiffeur. Elle fait ce que j'appelle faire du Colette, c'est-à-dire elle va sur les terrains où on l'attend, mais les terrains les plus sûrs. Et on a le journal intime du journaliste de La Gerbe, Jacques Lemarchand, et en sortant de l'interview, il a noté dans son journal qu'elle l'avait bel et bien trimballée et qu'il n'avait rien tiré d'elle. On peut dire presque que Colette joue de son personnage aussi de vieille dame malade. Il y a son ami Jean Cocteau, le grand ami de Colette, qui avait du flair. Il disait que ce qu'il aimait chez Colette, c'était, je cite, « le museau du loup derrière le bonnet de la grand-mère ». C'est oui, assez oui. joli comme expression. Voilà, c'est vrai. Elle est maligne. C'est vrai qu'elle est très maligne. Bon, bien sûr qu'elle souffre à la fois d'arthrite et d'arthrose oui, et qu'elle est oui, invalide. Elle est malade, hein, mais elle se refuse aussi à sortir de manière diplomatique. Elle veut avoir le moins de contact possible avec les Allemands. Bon, elle ne peut pas sortir en n'étant pas accompagnée, donc se faire accompagner par Maurice Goudkett, ce serait le mettre en danger, bien entendu. Donc, elle prend son parti de cet enfermement et même elle essaye d'en tirer profit, de tirer profit du plaisir d'être au Palais Royal. Et c'est ce qu'elle appelle être confinée et occupée à la fois. Voilà. Alors dans votre livre, Bénédicte Verzachenion, vous évoquez des chroniques écrites par Colette pendant l'occupation. Vous en évoquez beaucoup. Une femme comme les autres, ou pour celles qui restent. Donc, c'est les femmes de prisonniers, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de choquant de parler tricot, cuisine, jardinage en pleine occupation? Surtout dans des journaux ultra-collabos comme Paris Soir ou Le Petit Parisien. Alors, en fait, c'est Le Petit Parisien, au moment où elle signe son contrat avec Le Petit Parisien, il ressemble encore relativement à ce qu'il est depuis la fin du 19e siècle. Mais de putsch en révolution à l'intérieur de la rédaction, au fond, ce sont les collaborationnistes, les partisans du fascisme et du nazisme qui prennent la main et elle passe entre les gouttes comme ça pendant un an, en profitant de l'abri, je dirais, de la page féminine. Oui. Parce que, bon, la censure considère que qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire de grave dans cette page. Or, ce qu'elle glisse dans cette page, toujours avec l'air de ne pas y paraître, ce sont des remarques très profondes sur le fait que les pénuries touchent d'abord les plus vulnérables. Elle fait référence, sans le nommer, à Jean Cocteau, le meilleur des poètes, au moment où il est vraiment, lui, en butte non seulement aux insultes, mais aux menaces physiques des collaborationnistes. On a consacré d'ailleurs une émission à ce sujet. Quand elle parle de l'heure noire, il faut comprendre, bien entendu, l'heure allemande, et donc attendre une aube ou une aurore. Oui. Voilà. Donc, il y a comme ça, par petites touches, des accents de patriotisme, de petites rébellions, de lucidité, au milieu, effectivement, d'articles tout à fait, vous voyez, des marronniers, des recettes de cuisine, puisqu'elle dira que la recette de la flognarde aura été son plus grand succès littéraire de grâce toute à sa Pauline. Vie, car c'est une recette qui fait quelque chose avec rien du tout. Oui, c'est ça. Oui. Elle affirme, dans la fiction en tout cas, elle affirme n'avoir jamais eu un mot en faveur des Allemands ou contre les Juifs, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle s'abrite là aussi derrière son refus de faire de la politique. Au moment de l'occupation, ce serait un comble avec les menaces qui pèsent sur Maurice. Et elle est bien consciente de la tragédie, puisque sa voisine du dessus, Suzanne Spack, une grande bourgeoise belge, est absolument dévouée au sauvetage des enfants juifs à partir de 1942. Et Colette est tenue au courant relativement parce qu'elle donne de l'argent à Suzanne Spack et elle l'envoie à ses riches amies et admiratrices pour l'aider à s'en procurer. Et Suzanne Spack va être arrêtée et horriblement assassinée à la prison de Fresnes. Et Colette fait quelques allusions à elle, effectivement, dans ses écrits d'immédiate après-guerre. Et elle parle, d'ailleurs, des sons entendus lors de la rafle dite du Veldiv. Ouais. Colette, donc, on l'a entendu, a fait jouer ses relations le maximum qu'elle pouvait pour faire libérer son mari, Maurice Goudeket, qui a été arrêté pendant la rafle des notables en décembre 41. À la libération, Colette est inquiétée, mais finalement, elle va bien s'en sortir, même très bien. Non, elle n'est pas inquiétée parce que même pendant la clandestinité, elle continue à bénéficier du regard extrêmement bienveillant de Louis Aragon, qui est au centre, je dirais, de la République clandestine des lettres. C'est lui qui donne son imprimature, voilà. Qui a droit. Et c'est vrai qu'il, au titre de résistant. Voilà, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Colette, qui n'a rien fait d'autre que de naviguer comme elle pouvait, comme l'immense majorité de Français, ses compatriotes, en essayant de survivre et de se nourrir. Mais elle, le talent pour le dire en plus. Et Colette, elle a la particularité, justement, dès la libération, d'être à la fois recherchée par la presse anglaise et américaine et encensée dans la presse communiste. Elle entre à l'Académie Goncourt, qui a bien besoin de se racheter, puisque la moitié de ses membres ont eu des soucis avec la justice d'épuration. Et à sa mort, en 1954, Colette a droit à des funérailles nationales. C'est la première fois que ça arrive pour une femme. Merci beaucoup, Bénédicte Vergès-Chaignan, de nous avoir rappelé cette histoire inconnue. Je recommande la lecture de votre livre, Colette en guerre, 1939-1945, publié chez Flammarion, et à lire de vous également, plus récent, Jean Moulin, l'affranchi, sorti également chez Flammarion. Et de Colette, bien sûr, il faut lire ses livres. Je signale la parution en 2023 en Pléiade du recueil Le blé en herbe et autres récits chez Gallimard. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui d'Autant n'emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur notre site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous partirons aux États-Unis dans les années 20 à la rencontre des Indiens Osages, une tribu au destin étonnant. Comme beaucoup d'Indiens, ils sont relégués en Oklahoma sur des terres arides qui auraient dû être leur tombeau. Mais la découverte d'un important gisement de pétrole va changer la donne pour ces Indiens Osages devenus milliardaires. 1925, meurtre mystérieux chez les Indiens Osages, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter.